Pierre de Marbeuf et la mer et l'amour. Et la mer et l'amour ont la mer pour partage. Et la mer est ta mère et l'amour est ta mère. L'on s'abîme en l'amour aussi bien qu'en la mer, car la mer et l'amour ne sont point sans orage. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Celui qui craint les maux, qu'on souffre pour aimer, qu'il ne se laisse pas à l'amour enflammer. Et tous deux ils seront sans hasard de naufrage. La mer de l'amour eut la mer pour berceau. Le feu sort de l'amour, sa mère sort de l'eau. Mais l'eau contre ce feu ne peut fournir des armes. Si l'eau pouvait éteindre un brasier amoureux, ton amour qui me brûle est si fort douloureux que j'eusse éteint son feu de la mer de mes larmes.